sont vraiment férus. Dans Exode, on voit que le peuple d'Israël a fabriqué de la brique avec de l'argile puis de la paille. C'est ça. C'est exactement ce qu'on voit à l'écran. Ça, c'est le tombeau d'un pharaon qui était là du temps de Joseph. Son nom était Sénousseret II. Il n'était pas là par hasard, à cette période-là donnée non plus. Dans tout ce qu'on va voir actuellement, il n'y a rien qui a été fait par hasard. Rien du tout. Alors, ce qu'on voit là, c'est un tas de roches, mais en fait, il était couvert d'une pierre totalement différente à l'époque. Il était couvert de calcaire qui était blanc. C'était impeccable, on pouvait le voir de loin. Mais plus loin dans le temps, un bonhomme du nom de Ramsès II, il avait besoin de pas mal de pierres, ça fait que lui était oublié depuis 400 ans, ça fait qu'il a fait prélever les pierres. Ça fait que ce qui nous reste aujourd'hui, c'est un tas de roches. Mais ce n'est pas notre sujet pour ce matin, le tas de roches. On va voir en fait 5 éléments ce matin. OK, d'abord le grand plan directeur, parce que notre ami Dieu Elohim, très puissant, mais il ne fait pas les choses au hasard. Il avait déjà en tête un plan. Il l'a communiqué. Alors, on va retourner en arrière pour voir son plan directeur. Un rappel de Genèse 39 comme introduction, parce qu'en fait, c'est l'introduction de Genèse 40 jusqu'à la fin 23. Un peu d'historique pour bien se placer, parce qu'il y a des événements majeurs qui se sont produits avant Genèse 39, qui ont une grande influence sur Genèse 40. On va les repasser rapidement. Un glossaire pour bien comprendre tous nos acteurs dans Genèse 40. Et après, on va regarder notre personnage principal, qui est Joseph. Pas n'importe qui, Joseph. Joseph était qui, en fait? C'était un adolescent dans Genèse 39. On en a ici, hein, des ados, 12 ans et plus. Il y en a quelques-uns dans la salle, ils entraînent. Philippe, essaye pas, là, t'as passé ça, là, essaye pas. Ils entraînent quelques-uns dans la salle, là-bas, ils sont cachés, là. OK, bon, ça, c'est bon. Juste deux petites questions pour vous autres, les ados. Dans votre mémoire, est-ce qu'il y a des événements qui sont survenus, genre voyage ou déplacement ou visite, qui vous restent en mémoire, des choses là, qui sont pointues, là, puis celles-là, je m'en rappelle, je pourrais les raconter encore. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Est-ce qu'il y en a là-dedans? Oui, non, peut-être. Hey, les deux là-bas, là. Oui, est-ce qu'il y a des événements qui vous reviennent à l'idée? Dans les vacances, non? Oui? Ah oui, OK. C'est... Ah, le snow. Ça, tu t'en rappelles, hein? OK. OK. Hey, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des souvenirs? Ça peut remonter, hein? Non? T'en as pas? Non, je peux pas croire ça. OK. Oui, mais c'est un flash, là. OK, c'était un début. Ouais, un autre. C'est pas à propos de moi, mais c'est quand mon petit frère avait fait un vol plané en vélo. OK. Ouais. Est-ce que tu l'as vu? Non. Non? OK. Tu as vu après, par exemple? Ouais, ça c'était drôle. OK. Bon. C'est bon. OK, bon, on se place. Deuxième question, puis je m'en rappelle pas, c'est bon aussi, hein? Vendredi matin, 7h40, est-ce que tu te rappelles ce que ta mère t'a demandé? OK. Mais un nom, c'est correct, hein? Je m'en rappelle pas, c'est bon. Moi, je peux témoigner pour deux que leur mère leur a rien demandé. Ah! OK. Ça, c'est une excuse, là. OK, c'est bon. Bon, OK. Ben, tantôt, vous vous rappellerez, on va revenir là-dessus, ces questions-là. OK, on va passer ici. Le plan directeur. Vous remarquerez que le thème, c'est Dieu, quel Dieu? Parce qu'on est avec Joseph. Il va évoluer dans un milieu qui est très difficile. Puis des dieux, il y en a partout. Alors, le Dieu qu'on va voir à l'écran, mais quel Dieu? Alors, dans le grand plan directeur, il faut reculer en arrière. En fait, dans Genèse 15, on recule à peu près de 6 mois pour nous, là. Dans Genèse 15, dans versets 12 à 14, on va voir que c'est Dieu, l'Éternel, qui parle à Abraham. Alors, dans Genèse 15, verset 12, moi, c'est la version Louis II que j'utilise, qui est à l'écran, là. J'espère que c'est bien lisible. Oui. C'est pas trop petit? Ça va? Oh, si ça va. OK. Alors, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, en fait, Abram, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Virgule. « Ils y seront asservis. » Parenthèse. Esclaves. Et on les opprimera, parenthèse, battus, maltraités, fin de la parenthèse, pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Au moment où Abraham reçoit ce message, au moment où il reçoit ce message-là, Abraham, il n'y a pas de descendant. Il est encore loin d'en avoir, là. Il est libre, il est nomade, il fait croître des troupeaux. Depuis qu'il est parti dur en Chaldée, c'est sa vie. Il se promène. Ceux qui ont des troupeaux, ils n'ont pas le choix, parce que les troupeaux consomment la verdure qui est locale. Après ça, il n'y en a plus, donc il faut se déplacer continuellement. Aller être asservi, ça ne lui dit pas grand-chose, là. Il le sait, parce que l'histoire, à ce moment-là, l'histoire, elle est orale. Il n'y a rien d'écrit. Il est arrivé antérieurement qu'il est allé dans un autre pays. Il est allé en Égypte, mais il a été expulsé de ce pays-là. Bon, parce que Dieu n'a pas dit dans quel pays sa descendance irait. Bon, c'est peut-être pas en Égypte. Je comprends pas. La première partie, celle qui est en jaune, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux », va se réaliser, puis notre texte, en 40, c'est les premières pierres de la réalisation de cette prophétie. Ce qui suit, ils y seront asservis, c'est la deuxième pierre que vous allez voir de après 40 jusqu'à, en fait, dans Exode principalement, c'est là que cette portion-là va se réaliser. Alors, on est donc en chemin dans l'exécution du grand plan. Dans notre texte, qui est dans Genèse, on va commencer en Genèse 39. Poudou, poudou, je ne sais pas si je peux le grossir. Attends un peu. C'est sûrement une fonction pour vous. Ça doit être ici, je pense. Dans l'affichage, je pense. Si? Ouais. Oups, c'est pas pire. C'est bon, ça? Ouais, c'est mieux, là? Excellent. Bon, merci, Télésino. Ça défaite un peu mais à l'écran, mais c'est pas grave. Alors, Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph, et il, l'Éternel, étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Quel Dieu? Il nous le répète 5 fois. Je pense que on a compris. Genèse 40. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Le service, vous pensez, c'est quoi? Oui, c'est un bon début. L'eau, le pain, la peau de chambre et autre chose pas très intéressante. Mais Joseph le fait, l'exécute là. C'est son travail, il le fait, puis il le fait avec la perfection que Dieu lui a donnée aussi. OK. Et ils passèrent un certain temps en prison. Combien de temps, combien d'années, on ne sait pas. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Ça veut dire différente. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, dans la prison de son maître. Retenons celui-là. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Il n'y a personne pour l'expliquer. Il faut se rappeler que ces deux personnages-là travaillent très près de Pharaon. Joseph leur dit, et ça c'est magistral comme réponse, Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? » Quel Dieu! On parle à deux Égyptiens, là. « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? » Magistral. Là, il se mouille encore plus. « Racontez-moi donc votre songe. » On commence. Le chef des échansons, c'est beau? Oui. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi, c'est-à-dire un tronc de vigne. Ce cep avait 3 serments, 3 branches principales. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Détail clé. Joseph lui dit, « En voici l'explication. » Immédiatement, clair et net, « En voici l'explication. » Les trois sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. La maison de son maître, Potiphar. Fais-moi sortir de cette maison, mais la prison est à l'arrière de la maison de Potiphar. Quand j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le terme hébreu, il y a une couleur, ce n'est pas tout à fait prison. Le mot employé ici, c'est citerne, puits. Okay, c'est le mot. On peut le mettre comme prison aussi, parce qu'une prison, en fait, en briques d'argile, c'est pas terrible. Mais une prison creusée dans un puits, c'est pas mal plus solide. C'est plus le terme qui est employé. Ça nous donne la teinte de ce que c'est cette prison-là. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi, dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Je pense qu'il y en a un qui a mal dormi pendant 3 jours. C'est un peu difficile. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, c'était son anniversaire, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons. Le mot original est pratiquement physique, élevé comme sur une plateforme. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Point important, qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Les chansons étaient proches, c'est lui qui directement mettait la coupe dans la main de Pharaon, point important. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. On va reculer un petit historique pour bien le placer dans le temps. Parce que ça, ce qu'on vous raconte là, ce n'est pas un roman, là. Il y a des faits historiques en arrière qu'on peut encore toucher aujourd'hui. Ce qu'on voit ici actuellement, là, c'est dans l'échelle du temps. On voit ici... Pardon? C'est pas assez clair? Ah, OK, bon, ben. C'est pas grave, l'important, c'est les barres verticales. Je vais vous l'expliquer. Ce qu'on voit ici, c'est la ligne de Joseph. Elle est ici, là. Il est né en approximativement moins 1914. Il a été vendu par ses frères en moins 1897. On va remonter ici, dans la ligne de Jacob. En moins 1898, Jacob va quitter son lieu pour monter à Bethel. Il s'est passé un événement important dans sa vie, on va le voir plus en détail, celui-là. Tout de suite après Bethel en route, en montant vers le nord, avant d'atteindre Bethléem, Rachel est décédée à l'accouchement de Benjamin. Joseph a connaissance qu'il y a un frère qui est arrivé. Juste avant que lui quitte pour l'Égypte. Il n'a pas choisi. Il a été choisi d'y aller en Égypte, par exemple. Juste avant, là, Rachel est décédée. Ici, son grand-père Isaac est décédé pendant que lui était en détention en Égypte. Il a connu son grand-père Isaac, mais il n'était pas là quand il est décédé. Ensuite, une petite ligne en bas ici, Sénousret 2. Ça, c'est le pharaon qui a élevé Joseph. Il est arrivé, puis ne pensez pas que tous les événements sont par hasard. Sénousret II n'était pas un pharaon guerrier, comme son père l'était ou comme son fils va l'être, Sénousret III. Sénousret II était plus un homme de paix, de prospérité économique, de traité d'échange avec les nations alentours. Il a amené énormément de prospérité autour de lui. C'était un homme plus ouvert à discuter, à traiter. C'était un homme de un peu plus de paix que les deux pharaons qui font avant et après. Joseph est arrivé pile sur celui-là. Pas par hasard. Maintenant, pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans notre texte, je vais préparer un petit glossaire, c'est-à-dire on va regarder un peu plus en détail. C'est quoi ça, un échanson? Surtout un chef des échansons. Le chef des échansons supervisait les achats du vin. Il veillait à la sécurité du vin. Parce que un job de pharaon, c'était un peu convoité, là. Hein? Ça arrivait de temps en temps qu'il mourait jeune. Alors, ça nous prenait quelqu'un de clé, de fiable à 100% qui va superviser puis s'assurer que les vins n'ont pas été bouchés, débouchés, mis un poison dedans. C'est important, là. Alors, il veillait à la sécurité du vin, dirigeait l'équipe des échansons qui faisait le service aux tables. Il apportait le vin dans la salle, l'ouvrait lui-même, le goûtait en premier, puis s'il ne tombait pas à terre, c'est parce que c'était bon, le versait et le servait lui-même dans la main de Pharaon. J'ai pensé tantôt, je l'ai mentionné, on le voit deux fois, il portait dans la main de Pharaon. Donc, lui, les chansons s'approchent de Pharaon. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Les chansons pouvaient. Et, tantôt dans le texte, Joseph lui a demandé, dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. » Pourquoi? Parce que cet officier-là s'approche de Pharaon. Il peut parler à Pharaon. C'est ça la petite nuance. Le pantier, c'est différent. Le pantier supervisait l'achat des farines et des céréales, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Égyptiens étaient en fait végétariens. La viande, c'était vraiment spécial de la préparer, sauf pour Pharaon, où il y en avait pratiquement tous les jours à sa table. Alors, le pantier s'assurait de l'achat des farines, la préparation, conservation du pain, le montage des tables avec les centres de table, les pains, les aromates, les sels, les viandes, tout ce qui était sur le service de table. Mais ce n'est pas lui qui faisait le service pour Pharaon. C'était le chef des échansons seulement. Tantôt, on a parlé de Sénousret II. L'Égypte est composée de 42 provinces avec des gouverneurs. Ils étaient heureux du temps de ce pharaon-là qui a apporté, en fait, une grande prospérité économique pour Pharaon, mais aussi pour ses gouverneurs à l'époque. Ce qu'on a vu tantôt, le tas de roches, c'est originalement, en fait, une pyramide, c'est un tombeau funéraire. Au pied de ça, il y avait une chapelle. Parce que Pharaon, par définition, est un fils de Dieu. On peut se poser la question, quel Dieu? Mais c'est un fils de Dieu. Puis sa durée avec les dieux dépend des gens qui vont l'adorer dans la chapelle pour l'éternité, parce que c'est un fils de Dieu. Mais s'il est oublié, ben c'est fini. Il n'existe plus. Et il n'est plus au pays des dieux. Alors, c'est important qu'il soit honoré et que son culte demeure pour l'éternité. Ouh, l'ego est assez gonflé, hein? Un événement que lui a réalisé, qu'on a encore, parce qu'on n'a pas beaucoup dans l'historique séculière d'informations sur lui, il a entrepris des grands travaux de drainage des surfaces et aussi des grands travaux d'amener des champs d'irrigation. On ne sait pas trop d'où il a pris l'idée, mais toujours est-il que son fils a complété ces travaux-là. Ça a permis de stabiliser la nourriture en Égypte puis d'éliminer les grands phénomènes de famine pour un bout de temps. Pas tout le temps, mais pour un bon bout de temps. Les fameux songes. À cette époque, les songes étaient vus comme un moyen pour Dieu de communiquer avec des humains. Mais ce n'était pas toujours facile de comprendre le sens des songes. Alors, Pharaon était entouré de sages, des astrologues, des magiciens, des devins, et ils ont même développé des livres, des sens d'interprétation pour interpréter les songes. C'était un gros travail, là. Ils ont vraiment développé là, une méthode, une technique d'interprétation. Sauf qu'on va voir que plusieurs fois, ça ne marche pas. La clé que Dieu a mise dans les songes, ils ne sont pas capables de la décrypter. De là à ce point-là, les deux officiers, qui ne sont pas des petits jeunes de 18-19 ans, là, hein, ces officiers responsables que Pharaon a mis en eux sa confiance, okay, ils ne sont pas jeunes. Puis là, ben, ils ont un son chaque, puis il n'y a personne alentour. Ben, c'est sûr, les devins, les astrologues, les magiciens, ils ne sont pas avec eux en prison. Qui est là? Joseph est avec eux. Alors, on va regarder un peu Joseph sur trois aspects. On va commencer par ses racines, un peu dans le passé. Alors, Joseph, son nom signifie « qui s'accroît » par hasard. Par hasard, son nom est « qui s'accroît ». Il était beau de taille et de figure. OK. L'Éternel, parenthèse, le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et il donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Le mot ici, c'est Yéhovah ou Yahweh, ou vous pouvez même mettre Je suis. C'est difficile à traduire quand votre nom, parce que à Moïse, dans Exode 3:14, dans l'épisode du buisson, Quel nom je leur dis aux Israéliens? T'es qui, toi? Je m'appelle Je suis. Mais vous êtes traducteur, vous allez le traduire comment, Je suis? Parce que dans 20 minutes, il est au passé. Là, il est au présent, mais dans le futur, il est encore au présent. On le traduit comment? L'Éternel. C'est pas facile, le métier de traducteur. Alors, il a utilisé le mot « éternel ». Un autre aspect pratico-pratique, il ne parle pas la langue, lui. Il arrive chez Potiphar, il est esclave, il ne parle pas la langue. Il a bien fallu qu'il l'apprenne rapidement, puis qu'il la maîtrise. Il est en charge de tout. Non seulement la langue, mais la culture. Quoi se fait? Où ça se trouve? Ils avaient probablement de l'équipement différent. Ils ne faisaient pas les choses de la même façon. Parce que lui, il était nomade, une vie de nomade. Il a bien fallu qu'il apprenne tous les rouages de la vie égyptienne très rapidement. Il ne faut pas oublier que l'Éternel est avec lui, sa bonté était sur lui. Encore une fois. Oups. Sa mère Rachel est décédée entre Bethel et Bethléem. Peu de temps avant qu'ils partent, on le trouve dans Genèse 35, 19. Dans Genèse 35, 19, à l'accouchement de Benjamin. Autre détail qu'on va voir plus loin, dans Genèse 42. Joseph a vécu l'angoisse au fond de la citerne. Le même mot qu'il a utilisé quand il décrivait la prison, au fond de la citerne. Il a vu l'angoisse. Ses frères nous relatent, dans verset 21, ils se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. » L'angoisse de son âme. Le mot « angoisse » peut aussi avoir la même racine, en fait, que le mot « détresse ». On va revenir sur ce mot-là tantôt. Quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Hey, les grands, ça vous arrive-tu de jouer des tours aux plus jeunes? Moi, ouais, juste par le visage, c'est évident. Joseph était un peu le bébé, hein? Ça fait que le foot dans le fond d'une citerne, ça pouvait être un mauvais tour. Mais c'est devenu vite, c'était une réalité, là, c'était pas un mauvais tour, c'était pas drôle pantoute. Pantoute. Il a sorti de là. Il en est sorti, heureusement. À sa sortie, Joseph est parti avec des bagages. Qu'est-ce qu'il avait? Ben, il n'avait plus de tunique. Il restait quoi? Ce qu'il y avait en dessous de la tunique, là, pas grand-chose. Nu-pieds, des fers aux mains. C'est ça, ses bagages. On t'attache, puis on part en arrière des chameaux, puis on va prendre une petite marche. On va descendre du nord d'Israël, puis on s'en va en Égypte. Dans une période antérieure, il faut se rappeler que Rachel avait dérobé les dieux de son père. Ce qui nous indique aussi qu'au milieu de la maison de Jacob, elle était contaminée par des dieux étrangers. Joseph a vécu parmi des dieux. Beaucoup de dieux étrangers. Ce qui est très différent d'aujourd'hui, où il n'y en a pas. Hey, mais vous autres, vous êtes au secondaire, hein, là-bas? OK. Dans votre cursus, c'est-à-dire dans toutes vos matières à date, est-ce qu'on parle de Dieu? Ouais. Ah, OK. Mais ça doit être un mélange, hein? On parle plus de culture religieuse, hein, c'est vrai. Ouais, c'est ce qui s'en vient. Donc, on passe de... Ben, contrairement à Joseph, qui était dans une multitude de dieux, vous, là, vous êtes dans le vide total. Bien, pas tout à fait. On l'a remplacé par autre chose. Hein? C'est portable, on joue avec. Non, c'est pas ça. Mais il est complètement effacé, disparu. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. On est une société multiculturelle. Ouverte et tout ce que vous voulez. Sauf que Dieu n'existe plus. C'est l'inverse de Joseph, mais c'est pareil. Joseph en avait tout partout. Ici, on n'en avait plus pantoute. On voit dans Genèse 35, verset 2, un point clé qui, à mon sens, à mon sens, est une clé majeure dans le plan de Dieu, dans ce qu'on va voir par la suite avec Joseph. Dans Genèse 35, verset 2, dans verset 1, Dieu lui dit quoi faire. Devinez le nom du Dieu en question. Il y a un qualificatif. Elohim. Verset 2. Jacob dit à sa maison, c'est qui ça, sa maison? Femme, enfant, c'est sa maison, ça. Et à tous ceux qui étaient avec lui, serviteurs, et en grande quantité, là, de bien des origines. Il leur dit à tout ce monde-là, là, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Prenez tout ça, là. Donnez-moi ça, là. Ça dans un sac. Purifiez-vous. Lavez-vous. Faites le ménage dans votre tête. Changez de vêtements. Demain, ou peut-être la journée même, tard le soir, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Qu'est-ce que je vais faire à Bethel? Je vais dresser un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse. Même mot qu'on a vu dans l'acétate antérieur. Qui m'a exaucé. Le mot exaucé peut se traduire par répondre, donner une réponse. On va en avoir besoin dans plus loin. À noter deux mots clés, M et M apostrophe. Ici, là, M et M apostrophe, c'est une expérience, c'est quelque chose de personnel. Je m'engage, je le montre, je vous le dis, on le fait. Okay. On le fait. On met tout ça dehors, puis on va construire un autel au Dieu qui m'a apparu. Regardez bien les étapes. Vous allez voir que c'est très près de Tite 3:5, le baptême. Qu'est-ce qu'on fait dans le baptême? Le passé tourne à 180 degrés, on va dans l'eau. Ça ressemble drôlement à purifiez-vous. Hein? On va dans l'eau. L'homme ancien est disparu. On ressort l'homme nouveau. Il y avait eu une nouvelle forme. Hey, on est dans Genèse 35, là. On a une préfigure du baptême. Jacob, à ce point-ci, a complètement changé. C'est avant de monter à Bethel. Avant que Rachel décède. Juste avant que son fils parte pour l'Égypte. On a le Jacob nouveau. Cette transformation-là devait se faire pour que son fils préféré qui parte, au moment de l'appel, soit assez motivé pour ramasser toute sa famille puis on descend en Égypte. C'est un Dieu personnel. C'est le Dieu qui m'a répondu, qui m'a exaucé. Préfigure importante avant Joseph. Le point majeur du verset 40, c'est l'assurance de Joseph. Ici, à ce verset-là, on voit le cœur et la personne de Joseph. Il répond au verset 8, après que les deux officiers lui dirent, « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. » Oui, ils sont habitués avec Pharaon. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? C'est évident, non? Ne savez-vous pas? De toute évidence, avez-vous oublié? Ça appartient à Dieu de donner les explications. Phrase suivante. Racontez-moi donc votre songe. Là, on commence à s'impliquer, hein? Il n'a pas dit, OK, on va commencer à mettre des hypothèses. Dans ton passé, as-tu vécu? Non. Racontez-moi donc votre songe. Il y avait une pleine confiance que Dieu allait lui donner, probablement qu'il l'avait déjà, là, allait lui donner l'explication du songe en question, qui était deux songes, deux explications différentes. Il y avait une pleine confiance. Le Dieu en question, c'est Elohim. Hein? Quel Dieu? Pas Osiris, pas autre patente là, qui a été exposé pendant toutes les années, qui est encore avec les Égyptiens, puis il va y être encore pour longtemps avec les Égyptiens. Les explications, bien, c'est répondre, donner une réponse. Même contexte que Jacob, son père, avant de partir pour Bethel. Même contexte. Racontez-moi, il y a une pleine confiance que Dieu va lui donner l'explication. Et il lui donne. Et la preuve que ça vient de Dieu, ça s'est réalisé tel quel. Il y a juste un petit point, par exemple. À la fin du verset 23, Joseph est rendu à 28 ans. Il reste encore 2 ans à faire en prison, totalement injuste. Il va les faire. Il va les faire, ces 2 années. Ça, c'est Joseph. Il y a d'autres points communs qu'on peut voir avec Joseph. Il va commencer à travailler pour Pharaon vraiment directement là, à l'âge de 30 ans. La même chose pour Christ. Il y a plusieurs points communs, mais je ne les découvrirai pas ce matin. Prochain et dernier point. Toi, là, mon jeune ami, mes jeunes amis, hein? Quelle est votre assurance? Quelle est votre assurance? On le trouve en partie dans Hébreux 11:6. On va y lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et là, l'auteur va nous expliquer, mais c'est quoi la foi, là? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoique Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, d'abord, Dieu existe. Gros challenge hein, pour vous, les ados. Dieu, il n'existe pas. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous autres. Dieu existe. Eh oui. Rappelez-vous, plus loin dans le temps, parce que là, on est en moins 1800, en l'an 030 ou 35, lorsque Pierre se retrouve avec Jean devant le Sanhédrin, qu'est-ce qu'il leur dit? Le Sanhédrin dit, tu parles plus dans ce nom-là en public. On va vous faire battre. Bien, il les a fait battre aussi, là, mais vous ne parlez pas de ce nom-là en public. Pierre a répondu, ben on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu. Rappelez-vous Jacob, je ne peux pas ne pas vous parler du Dieu qui m'a répondu. Le M apostrophe et le M. Pierre a donné exactement la même réponse. Je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu. De là, le rôle parental qui est si terrible. Parce que vous, vous avez l'historique. Vous avez des années. Vous ne pouvez pas ne pas parler de ce que Dieu a fait dans vos vies. Et ça, c'est qu'une grosse masse dans un cerveau d'adolescent qui va résonner sur la grosse cloche tout le temps. C'est le même point que Joseph a fait dans sa prison. Et c'est le même point aujourd'hui. La différence, c'est qu'à l'époque, les dieux n'avaient pas tous les coins de rue, et aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais le même Dieu, qui porte le même nom, va répondre à ceux qui le cherchent. Puis en plus, là, si tu le cherches, tu n'as pas besoin d'aller bien loin, c'est lui qui va te trouver. Rien à faire. Strictement rien. Parce qu'on est incompétent devant Dieu. Il va compléter ce qui nous manque parce que lui a tout fait, a tout accompli. Il y a 2000 ans à la croix. Le vrai baptême. Alors, mes chers ados, si vous ne vous rappelez pas ce que votre mère vous a demandé la semaine passée à 7h45, c'est bien normal. Mais rappelez-vous que Dieu, quel Dieu, Elohim, existe, qui est là et qui va toujours être là, même pour vous autres, les ados. Amen.